Chapitre 3e. Lord Acton assistait le plus souvent au souper de la reine, et si préoccupé qu'il fut des questions européennes, il dut ne point laisser d'y montrer parfois une contenance difficile, l'amitié de Marie-Caroline pour Lady Hamilton devenant de plus en plus vive. Lorsque, dans les nocturnes promenades sur la mer et qu'au milieu de l'isolement des ombres, assis sous une tente dressée à l'avant du yacht royal, toutes deux respiraient les souffles lointains qu'embaumaient les bois d'oranger. Parfois Emma Lyon chantait, à son auguste préféré, des ballades de l'Écosse ou des canzones qu'elle avait composées en son honneur, et presque toujours, le matin doré les surprenait dans la mollesse de leur sympathie. Sur ces entrefaites avait éclaté la Révolution française. L'horizon s'assombrissait, la guerre s'allumait sur tous les points de l'Europe. La cour de Naples ne s'en émut pas au point de suspendre les scandales qu'elle donnait à l'Italie. Un officier de la marine anglaise, nommé Horace Nelson, et qui commandait alors le vaisseau d'Agamemnon, de station dans le port de Naples, ayant été invité à une fête, s'attira toutes les bonnes grâces de Lady Hamilton et fut bientôt son amant. Personne ne se serait imaginé qu'il allait devenir le premier amiral de l'Angleterre et remporter sur nous les succès meurtriers d'Aboukir et de Trafalgar. À ce moment, il ne songea qu'au plaisir de posséder une femme qui faisait le désir universel. Au bruit des victoires du général Bonaparte, on commença de s'inquiéter de l'avenir, et une lettre confidentielle, adressée par la reine d'Espagne à Marie-Caroline, ayant été communiquée à Lady Hamilton, apprit à l'ambassadrice d'Angleterre le véritable motif de l'expédition d'Égypte. Elle en informa sur le champ le cabinet de Saint-James, qui nomma Nelson au commandement de l'escadre envoyée pour nous barrer le passage. À son retour d'Aboukir, Nelson fut accueilli en héros par la reine et par Lady Hamilton, qui dès lors conçut pour lui la plus violente passion. Des fêtes triomphales furent célébrées à Naples en son honneur. La ville fut pavoisée, Lady Hamilton présida en souveraine ses solennités, et depuis cet instant, elle remplit les fonctions d'agent secret de l'Angleterre à la cour des deux Siciles. Par Lord Acton, qu'elle maîtrisait, par la reine qui ne savait rien refuser à sa belle amie, et par Nelson qui l'aimait, elle avait entre les mains un pouvoir considérable. Cependant, mécontent des hostiles manifestations et de l'attitude du gouvernement de Ferdinand IV, le directoire envoya en Italie quelques milliers d'hommes commandés par les généraux Championnet et Macdonald. En peu de temps, ayant repoussé le général Mac, qui commandait en chef 70 000 Napolitains et 7 000 Anglais, le général Championnet gagna les victoires décisives de Nepi, de Civitella et de Capoue, et contraignit le roi Ferdinand à signer un traité de paix dont la première clause était l'expulsion de Lord Acton. Obligé de détruire l'insurrection italienne qui conservait des intelligences dans Naples, il entra dans cette ville le 23 janvier 1799 et l'occupa militairement. Lady Hamilton et la reine, qui étaient exécrées, durent s'enfuir en toute hâte pour aller rejoindre le roi en Sicile. Il y eut un épisode terrible dans cette sorte d'évasion. Il s'agissait de gagner la plage par les caveaux secrets et les souterrains de la Villa Reale. Déjà, des sentinelles françaises s'y trouvaient apostées. L'une d'entre elles, au bruit que fit en tombant à terre un plat d'or qu'emportait une fille dévouée à la reine, demanda le « qui vive ?». Lady Hamilton s'avança seule et déguisée en camériste, elle imagina sur le champ, paraît-il, une histoire de rendez-vous avec un officier français, en sorte qu'après quelques pourparlers, que dans ses mémoires elle affirme avoir été très intime avec ce soldat, la petite troupe, grâce à cette présence d'esprit et ce dévouement, réussit à s'échapper à bord des vaisseaux de Nelson qui fit voile pour la Sicile. Au retour de Palerme, lorsque le roi Ferdinand rentra dans sa bonne ville de Naples, Lady Hamilton donna des ordres sanglants au cardinal Ruffo, l'un de ses fanatiques, et fit exécuter par des troupes de Lazzaroni et de Calabrais une foule de citoyens soupçonnés d'avoir bien accueilli les Français pendant l'occupation. Ceci jette une ombre homicide sur Emma Hart. Les débauchés pouvaient être, sinon pardonnés par l'histoire, du moins atténuée par l'entraînement des séductions qu'elle exerçait. Mais tout le sang qu'elle fit couler, mais le meurtre d'un vieux marin, l'amiral Caracciolo, qu'elle fit pendre à une vergue sous ses yeux et devant Nelson, uniquement pour se venger de la mésestime où il avait paru la tenir, ceci ne saurait être jugé avec indulgence. Lady Hamilton avait alors 38 ans. Elle était dans tout l'éclat de sa souveraine beauté. Les chagrins passés, les durs instants de son enfance, les amères passions et les luttes ambitieuses qui avaient traversé sa jeunesse, les terribles émotions des soudains changements de son sort, Rien n'avait altéré le marbre de son magnifique visage. Elle régnait dans la patrie de ses rêves. Elle pouvait y vivre en femme adorée de toutes parts. Il faut la plaindre de ce qu'elle a préféré se faire maudire. À dater de ces massacres, d'ailleurs, son existence cesse d'offrir cet attrait de curiosité qu'elle éveille jusqu'à cette époque. L'Angleterre, en effet, se vit bientôt dans la nécessité de modifier sa politique en Sicile à l'égard de la France et rappela son ambassadeur, Sir William Hamilton, qui depuis longtemps n'était plus le mari d'Emma Hart qu'officiellement. Tout se désunissait autour d'elle. Lord Acton devait mourir en Sicile, dans un exil assez méprisable. Marie-Caroline allait s'éteindre à Schönbrunn, dans l'isolement et l'oubli. À son retour en Angleterre, Lady Hamilton éprouva sans doute quelques étranges serrements de cœur, lorsque son équipage en deuil passa devant cette taverne où elle était entrée un soir d'enfance et devant l'église où elle avait entendu sonner autrefois des heures épouvantables. Sir Hamilton mourut en 1813 et Nelson fut tué au combat de Trafalgar. Il la recommanda en vain au peuple anglais. Elle dépensa vite, peut-être par désespoir, toutes les richesses qu'elle tenait des générosités de la reine de Sicile, de son mari et de son amant. Sir William, en son tranquille dédain, lui avait à peine laissé 6 ou 8 000 livres sterling de rente. Cette fortune aussi ayant été dissipée inutilement, elle quitta pour toujours l'Angleterre et vint avec sa fille s'établir à Calais, où elle mourut, dans l'obscurité, en 1815, à l'âge de 55 ans. Telle est l'histoire de cette artificieuse femme qui, ayant représenté une fois de plus la toute-puissance de la beauté sur la terre, où elle était née pour devenir une déesse, s'est flétrie elle-même jusqu'à ne laisser à la postérité d'autre souvenir que celui d'une hétaïre méprisable et sanglante. C'était Lady Hamilton par Villiers de l'Isle-Adam.